Bon allez, 6h, on redevient sérieux avant d'écouter Leslie et Counting Crows avec Raphaël Thomas pour les infos. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. 80 millions d'euros. C'est la somme qu'Emmanuel Macron promet de débloquer dans les prochains jours pour les sinistrés de l'Aude. Une semaine après les intempéries qui ont fait 14 morts dans le département, le président de la République s'est rendu sur place hier. Ce fonds viendra s'ajouter aux 200 millions d'euros que doivent déjà verser les assureurs aux particuliers et aux entreprises. L'État indemnisera les biens non assurables des collectivités comme les routes, les réseaux d'eau ou encore les bâtiments publics. Une nouvelle version pour Tariq Ramadan. Après un an passé à nier, le théologien suisse a finalement reconnu hier avoir eu des rapports sexuels avec deux des femmes qu'il accuse de viol. En revanche, il évoque des relations consenties. L'islamologue, qui est en détention depuis sa mise en examen en février dernier, a par ailleurs déposé une quatrième demande de mise en liberté. Le Var, toujours touché par la pollution aux hydrocarbures. C'est la conséquence probable de la collision entre deux navires au large de la Corse au début du mois. Au total, 37 plages de 10 communes sont concernées, dont Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Ramatuelle et l'île de Porquerolles. Elles ont été fermées au public. 150 personnes sont mobilisées pour les nettoyer. L'Arabie Saoudite boycottée. Le Davos du désert s'ouvre aujourd'hui à Riyad. Un forum international sur l'investissement marqué par des désistements en série après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. La patronne du FMI, Christine Lagarde, annule sa venue. Même chose pour une vingtaine de PDG. C'est le cas d'EDF, HSBC, Siemens ou encore Uber. En ce qui concerne l'enquête, la Turquie a promis des révélations sur l'affaire dans la journée. Le Mexique menacé par l'ouragan Willa, la tempête qui est passée en catégorie 4 se dirige vers le nord-ouest du pays. Elle pourrait être dévastatrice. Les écoles ont été fermées et certaines stations balnéaires évacuées. Allez, on passe au sport en football. Retour ce soir de la Ligue des Champions. Avec la troisième journée de la phase de groupe à 21h, Lyon joue sur la pelouse des Allemands d'Offenheim. Demain, dans le groupe A, Monaco se déplacera à Bruges. Et dans le groupe C, le Paris Saint-Germain accueillera Naples. Et puis ça y est, Bordeaux passe aux mains d'un fonds d'investissement américain. C'est aujourd'hui que le changement de propriétaire des Girondins doit être finalisé. La météo du Grand Est au Poitou, le temps sera nuageux, parfois brumeux au lever du jour. Cette grisaille va se dissiper lentement au cours de la matinée. Elle persistera jusqu'à la mi-journée du côté du Massif central et du sud de l'Aquitaine. L'après-midi, on attend de très belles éclaircies sur la quasi-totalité du pays. Dans le sud-est, comme hier, attention, le vent va continuer à souffler en rafale jusqu'à 80 km/h attendu. Les températures, elles continuent de baisser doucement. 4 degrés à Arras seulement ce matin, 5 à Vittel, 6 à Paris et Guingamp. 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Saint-Jean-de-Luz, 12 à Aléria, 13 à Fréjus. Cet après-midi, on attend 14 à Agneau, 15 à Annecy et 16 à Dieppe et Poitiers. Bon réveil avec le double expresso RTL 2, le son paproc. McLeod sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. Oui, et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, c'est mardi, c'est le 23 octobre, on est très heureux d'être avec vous. Ça y est, commence à faire froid. Bon, ça y est. On se plaignait des 30 degrés, en disant oui, réchauffement, tout ça, ce qui est vrai. Bah là, il fait froid. Bonjour Justine. C'est normal. Bonjour Greg, bonjour à tous. On est en automne, on est fin octobre, c'est normal qu'il fasse logique, froid. C'est logique qu'on se pèle un petit peu. Bonjour évidemment, on va aller pour vous réchauffer à Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va nickel. Bon, 6h55, 8h55, top 3 de l'actu, on est là. Hein. On est là, on est solide. Il est sur les réseaux sociaux, il est avec vous, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Max. Bonjour, et j'ai mis mon pull moche de Noël aujourd'hui. Oui, et j'ai eu le nez fin. Déjà. Ouais, déjà. Mais de prendre un truc moche ou d'avoir un pull? Les deux. Oui, c'est le concept. Bonjour à Jérémy, qui est aux manettes. Bonjour l'équipe. Ça va bien? Ça va bien. Et puis évidemment, Annaëlle, Clara et puis Jules. Tiens, tu sais quelle fête on célèbre aujourd'hui? Non. Odeline. Ouais. Et Jean de Capistran. Ah, j'ai un ami qui s'appelle Jean de Capistran. N'importe quoi. Ah, c'est étonnant, tes amis, hein, quand même. Odeline, je connaissais pas. Ah, ouais. Moi non plus, c'est des prénoms pas inventés, hein, je précise. Hein. Je m'amuse pas à créer des prénoms le matin. Hein. Des prénoms du calendrier, ouais, comme on dit. Oui. Ouais. Hein. Certains polémistes. Les fameux. Ça. Voici Counting Crows sur RTL2. Bonjour et bienvenue sur RTL2.

françaises. Bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour. Voici Police sur RTL2. Police, message in a bottle dans le double expresso RTL de 6h21. L'info expresso RTL 2. Et on parle pour changer de nourriture. Oui, ouais, non, mais c'est vrai. On essaye de s'en sortir. Bon, c'est un peu le quotidien de tous. Hein, oui, mais voilà, c'est que ça nous parle tous, évidemment. Et comme c'est le but de l'info expresso que j'ai trouvé sur comedy.com, ça va vous parler. 20 ans qu'on tape des recettes ou des choix alimentaires sur Google. Je vais vous faire une petite chronologie de ce qu'on cherche le plus dans ces dernières années, d'accord? Allez. Alors, il s'en est passé quand même des choses en 20 ans. Nos habitudes ont beaucoup changé, nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé. Et donc, si on est en 2005, c'est le tout début, le premier et timide premier pic des sushis. C'est en 2005 qu'on commence à taper recherche sushi, livraison sushi. Non mais aujourd'hui ça nous paraît évident, bah oui, commande, mais c'était pas si évident que ça. Non mais c'est vrai, vous savez, j'ai grandi à Nantes. À Nantes, il n'y avait pas, on n'avait pas les restos de sushi. C'est pareil. Vrai. Pareil, je suis complètement d'accord. Donc 2005, premier pic sushi. Ensuite, on avance, 2006, premier pic brunch et burger. Ah. Ça commence vraiment à arriver. Mmh. Pas les McDo, les Quick, les Burger King. Les burgers, tu sais où ça devient la folie. Tout le monde se crée son burger dans des restaurants. Et les brunchs, ça vient petit à petit. Hein, c'est encore très parisien. Écoute, moi j'ai sur ma fiche, sur combini.com, les brunchs en 2006. Parce donc que moi, mes parents, quand ils arrivent à Paris, ils me disent « Ah, parce qu'on est à Paris, on va bruncher. » Ils se moquent de moi, mais c'est tout. Mais c'est vrai que c'est très parisien bon, encore. Alors vous savez quoi, alors, si c'est ça, si c'est comme ça, si c'est comme ça, alors si Christine Salmon a décidé de briser mon info expresso, voilà. Vas-y, continue. Bon, je fais bien la colère. En 2008, le smoothie commence à faire son apparence. La tendance. En 2010, le spritz. Vous savez, l'apéro italien. L'apéro. Il regarde Justine. Bah oui, Justine, le spritz. Je n'aime pas ça en plus. Ah, j'adore. En 2011, arrivée du mot véganisme. Ah oui. Et ben ça s'arrête là en fait. Bon. Quelle est la recette la plus recherchée à votre avis sur Google? Les pâtes. Alors, c'est pas pâtes, c'est pas gâteau au chocolat, burger. C'est pas couscous, c'est pas burger. Alors, c'est la crêpe. Ah, la crêpe, tout simplement. Bah oui. C'est sûr que c'est pas la Macédoine de légumes, hein, je vous le dis. On s'en fout. Ça, c'est à la cantine. Voici Gossip sur RTL2. It's a cool, cool way to feast on your own. et on est encore dans le débat de l'Info Expresso. Hein. Si vous venez de vous réveiller, on a parlé des recherches Google de nourriture. On est en train de débattre sur le brunch, mesdames, messieurs. Oui, rassure. Parce que Jérémy, qui réalise l'émission, habite à Amiens. Il disait qu'il n'y avait pas de brunch. Greg a trouvé le contraire. Ah, j'ai 18 brunchs pour toi. Hein. Merci, Greg. Bah, avec plaisir. Je vais tester, du coup. Alors, du coup, bah, écoute bien ton horoscope aussi, allez. Parce que c'est maintenant. Voici les médailles de bronze, Justine, et les cancers. Vous avez un coup de mou. Il faut remonter la pente. Les balances. Ne vous reposez pas sur vos acquis. Il faut voir plus loin. Les capricornes. Arrêtez de chercher le conflit. Prenez du recul. Médaille d'argent avec les béliers. La vie est belle en ce moment, profitez-en. Les gémeaux. Vous êtes très appréciés par votre entourage. Les lions. Une belle opportunité pourrait s'offrir à vous, ouvrez l'œil. Les vierges. Vous êtes soucieux de bien faire, ne lâchez rien. Les scorpions, Justine. La chance sera de la partie cette semaine. Sagittaire. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle. Les verseaux. Restez aussi naturel que vous l'êtes, c'est comme ça qu'on vous apprécie. Oh oui, les poissons. Vos proches vous apporteront beaucoup de soutien aujourd'hui. Et la médaille d'or du jour, c'est pour qui ? Pour les taureaux. Cette journée démarre sur les chapeaux de roue. Tous les voyants sont au vert. Est-ce que vous connaissez cette voix ? Bonjour Clara. Bonjour Grégory. Bonjour Clara, ça va ? Oui, ça va. Bon, Clara, elle vous attend au standard jeu d'RTL2 au 3228. Vous l'appelez maintenant parce qu'on peut gagner un très beau cadeau au tube de la brosse à dents RTL2. Hein. Un séjour en club Bellambra pour 4 personnes. Vous partez en famille ou entre amis. D'une valeur de 2000 euros tout de même les séjour. Les vacances. Mmh. 2000 euros, comme ça, sur un comme seul coup ça. De fil. Bonjour Clara. Bonjour Grégory. Impeccable. Alanis Morissette arrive ainsi que vos infos. RTL2 présente Boulevard Désert en concert très très privé le 16 novembre à Toulouse dans le cadre exceptionnel du musée Aéroscopia. Si je reste ici. Salut, c'est Boulevard Désert. Retrouvez-nous en concert très très privé RTL2. Dès que vous entendez un titre de Boulevard Désert, soyez les premiers à appeler RTL2 au 3228. Et gagnez le transport, l'hôtel et vos invitations pour leur concert très très privé RTL2. RTL2, c'est le son pop rock. 50 centimes la minute, plus prix de l'appel. Leclerc. Thibaut, t'as vu ça ? La Nintendo Switch ? Ouais, ça fait longtemps que je l'ai repérée. C'est super ça comme console. Tu l'emmènes partout et tu peux jouer à plusieurs. Il y a 5 euros de ticket Leclerc. Oh, ça c'est direct dans la lettre au Père Noël. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, la console Nintendo Switch est à 292,49€, dont 60 centimes d'éco-participation, avec en plus 5 euros en ticket Leclerc. Voir modalité et disponibilité en magasin et sur www.culture.leclerc. Une Switch, c'est cool ça pour Noël. Mais oui, moi j'adore. Lorsque vous êtes gérant d'une entreprise, chaque journée est un nouveau défi. Entre les rendez-vous clients et les problèmes de photocopieuse, pas le temps de passer des heures à consulter des CV. Et c'est là qu'Indeed entre en scène. Lorsque vous publiez votre offre d'emploi sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50 euros offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Leclerc. Chérie, l'auto Leclerc fête ses 30 ans. Vite, les clés de la voiture. Quoi, là tout de suite? Avec des super promos sur des grandes marques d'équipements auto et sur les pneus, on fonce. Il y a un grand jeu avec à gagner des cartes cadeaux de 10, 20, 30 et 50 euros et une Renault Clio Trend. Et tu me dis ça comme ça? Du 23 octobre au 10 novembre, venez profiter d'offres exceptionnelles et participer au grand jeu anniversaire des centres l'auto Leclerc. Voir modalité sur www.auto.leclerc ou à l'accueil des magasins participants. L'auto Leclerc fête ses 30 ans. Allez, allez, on est parti. C'est le double expresso RTL de 6h30 avant d'écouter Alanis Morissette. Vos infos avec Raphaël. Thomas, bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Je cite, pas de vague. La colère des profs prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est la conséquence de la diffusion de la vidéo où l'on voit un lycéen braquer son enseignante avec une arme factice. Ils sont désormais des dizaines à révéler via ce hashtag les agressions dont ils ont été victimes de la part de certains élèves. Un mouvement né sur Twitter pour témoigner mais aussi pour dénoncer les dysfonctionnements du système éducatif français. Ce vote s'annonce comme une formalité. Les députés doivent valider aujourd'hui à l'Assemblée nationale le volet recettes du budget 2019. Le gouvernement chiffre à près de 19 milliards la baisse d'impôts et de cotisations pour les entreprises, dont 6 milliards pour les ménages. L'opposition dénonce un mensonge. Georges Tron face à la justice. Le procès de l'ancien secrétaire d'État s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Seine-Saint-Denis. Le maire de Draveil est jugé pour viol et agression sexuelle en réunion. Ce sont deux anciennes employées municipales qui l'accusent. Lui et son ex-adjointe, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le verdict, lui, est attendu le 16 novembre. À l'étranger, Facebook épingle de faux comptes brésiliens. Hier, le groupe a fermé 68 pages et 43 comptes qui ont servi à publier de nombreux articles en faveur du candidat d'extrême droite à la présidentielle. Désormais favori du scrutin, celui que l'on compare à Donald Trump a mené quasiment toute sa campagne sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, Donald Trump, justement, lui menace le Honduras, le Salvador et le Guatemala de sanctions financières. Le président américain reproche aux autorités de ne pas avoir empêché la population de quitter ces trois pays. Des milliers de migrants sont en route vers les États-Unis qu'ils espèrent atteindre via le Mexique. Les sports en football, troisième journée de la Ligue des Champions. Avec un club français en lice ce soir à 21h, Lyon joue chez les Allemands d'Offenheim. Demain, Monaco se déplacera à Bruges et le Paris Saint-Germain accueillera Naples. Toujours en foot, un match sous le signe de la solidarité. Montpellier et Toulouse joueront une rencontre amicale le 15 novembre pour aider les sinistrés des intempéries de l'Aude. La recette sera entièrement reversée aux communes les plus touchées. Emmanuel Macron lui promet une enveloppe de 80 millions d'euros. La météo du Grand Est au Poitou, le temps sera nuageux et parfois brumeux au lever du jour. Cette grisaille se dissipera lentement au cours de la matinée mais persistera jusqu'à la mi-journée du côté du massif central et du sud de l'Aquitaine. L'après-midi, en revanche, on attend de très belles éclaircies sur la quasi-totalité du pays. Attention au vent dans le sud-est, le Mistral et la Tramontane vont se renforcer avec des rafales attendues à 80 km/h. Les températures, elles sont en baisse, 5 degrés à Versailles ce matin, 6 à Saint-Omer et à Quimper, 7 à Strasbourg, 9 à Mont-de-Marsan et à Lyon, 14 à Cargèse, 15 à La Ciotat. Cet après-midi, on attend 14 degrés à Mulhouse, 16 à Paris, Reims, Laval et Bourges et 21 degrés à Leucate. 6h33, bonjour à tous, bonjour Justine. Hello Greg, bonjour tout le monde. Bon réveil, évidemment, à bord du double expresso RTL 2. Avant le winner du jour, voici Alanis Morissette et Thank You. expresso RTL 2, thank you. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner trouvé sur 7sur7.be à 6h36. On y va, Justine. Je vous parle de Jane Simons. Jane, elle avait rentré sa voiture, une Porsche, au garage pour un entretien. D'accord. Elle a des moyens, Jane. Oui, elle a les moyens, Jane. On n'est pas sur un petit budget. Après avoir récupéré sa voiture, elle a vérifié quand même les images qu'elle a une caméra embarquée dans sa voiture. Ah, les fameuses dashcam. Voilà, dashcam, ça s'appelle. Et elle a été assez étonnée parce que ce qu'elle a vu, parce que le garagiste qui s'est occupé de sa voiture a profité de l'occasion pour tester sa voiture sur les routes de Pays de Galles. Ah, rien que ça. Alors forcément, il a roulé très vite. Il avait visiblement pas conscience que son escapade était filmée. Donc d'après ce que la caméra a enregistré, la voiture est quand même montée jusqu'à 143 km/h sur une petite route de campagne. Ah ouais. Donc bon, bah pas sérieux. Hein. Ouais, non, c'est pas sérieux. Et puis on l'entend dire en plus que bon, il est filmé, il y a le son. On l'entend dire, oh, c'est chouette de conduire cette voiture. C'est génial. Donc le garage, bien sûr, la Jane, elle a été voir le garage, elle a montré tout ça. Le garage a été confronté aux images de son employé. Ils ont décidé de le licencier carrément sur le champ. Oh, c'est triste. Et il a dû présenter ses excuses à Jane. Ça va, il est garagiste, c'est pas non plus, tu vois, comme si. Oui, bah bon, là, il a profité. Oui, enfin, j'aime pas le malheur. Moi, quand je mets ma Fiat Punto au garage, personne se bouscule pour la tester. Je vous dis, ils sont sérieux à mon garage, voilà. C'est tout. On vous passe tout ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL 2. Voici One Republic, Apologize. Merci d'être avec nous, 6h38. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. Apologize pour bien attaquer cette journée ce mardi matin. On va jouer au tube de la brosse à dents RTL 2. Vous nous appelez 3228, Clara vous attend au standard pour gagner des vacances. Et puis on écoutera U2 sur RTL 2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop rock.

juste avant d'écouter Bruce Springsteen dans ses œuvres, il va chanter pour vous offrir vos vacances Bel en bras, une valeur de 2000 euros au tube de la brosse à dents. C'est dingue quand même comme cadeau. Tu sais, pour nous, c'est, on dit ça, mais en fait, c'est énorme. Quoi. C'est un super cadeau. Non, mais on se rend plus compte, nous, tellement moi, on offre des choses. Je prends tout de suite. Ah bah oui, mais c'est pas pour toi, hein, je précise. Il y aura Jonathan O'Donnell pour son top 3 à 6h55. Oui. Avec un couple de Marseillais qui volent, ce sont des voleurs, mais ils volent des choses un peu particulières. Ah. Ouais, c'est un peu spécial, je trouve. Suspense. On en parlera après YouTube notamment. Voici New Year's Day sur RTL2. Sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Et bonjour Amandine. Bonjour. Coucou Amandine. Ça va bien? Coucou. Oui, ça va bien. Et vous? Bah, ça va bien. On est en pleine forme. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes à Marly, c'est à côté de Metz, hein, c'est ça? C'est ça. Et j'ai l'impression que vous avez un métier qui est aussi une passion. Exactement. Bah, je fais de la pâtisserie toute la journée, tous les jours. Vous êtes pâtissière? C'est ça. Ah ouais. Trop chouette. Alors, vous avez un magasin? Comment ça se passe? Alors oui, on a un petit salon de thé, pâtisserie salon de thé. Et donc je me lève très tôt tous les matins. Faites un petit coup de pub. Bah, allez-y. Bah, oui, alors voilà, ça s'appelle les Amandélis du coup. Et puis on est au plein cœur de Marly avec un petit salon de thé bien sympa. Voilà. Oh, sympa. Et c'est quoi vos deux spécialités? Allez, rapidement. Alors on va dire la tarte citron meringuée, les croissants, tout ce qui est pâte feuilletée au beurre AOP. Oh là là, tarte citron beringuée. Bon, écoutez, je prends la voiture, j'arrive tout à l'heure. Hein, venez, on allez. Je vous présente Bruce Springsteen, lui aussi il est meringué. Bonjour Bruce. Oh yeah, bonjour ma Amandine, j'attends un gâteau spécial Bruce, s'il vous plaît. Hein. T'imagines le gâteau. Avec une belle coupe. Ce serait magnifique. Avec du gras, beaucoup de gras. Beaucoup de gras. À vous de découvrir sa chanson pour gagner vos vacances en famille pour vous et vos deux enfants. À toi, Bross. Allez, Amandine. Alors, je connais, mais alors le si, nom de la chanson... Il a un chapeau, il est anglais. Vite. Ah oui, il est venu en plus il n'y a pas longtemps. Oui, allez. Oh non. Je trouve pas le nom. Ah zut, Charlie Winston. Oui, c'est ça, voilà. Je l'avais, mais je n'ai pas trouvé le nom. Ah mince. Oh zut. Et alors, à propos de Charlie Winston, là il est pas en studio avec nous, il est dans le bureau, c'est Max, notre community manager, notre responsable des réseaux sociaux. Il était sur scène à Tourcoing avec Charlie Winston à la suite d'un pari lors de sa venue dans le studio. Et vous allez voir ça sur la page Facebook de l'émission, c'est absolument extraordinaire. Bon, on vous offre quand même un cadeau, Amandine, le mug de l'émission. Oui, c'est gentil. Déjà, la réédition du premier album des Cranberries et le DVD du film Le Doudou que vous pourrez regarder avec vos enfants, il est génial ce film. C'est cadeau. On vous embrasse et... Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2, Amandine ? Un double expresso, bien sûr. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh, oh, so... Ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre, à deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Et Sol dans le double expresso RTL 2. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell.

Garden et Black Orson sur RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Excellent début de journée. C'est mardi matin, c'est le 23 octobre. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Justine. Vas-y. Ah, vraiment, j'ai une super nouvelle pour Justine, pour toutes et tous. Tu fais du sport ? Un petit peu. Un petit peu, mais c'est pas le truc que tu préfères au monde. Non. Je dis ça sans vanner, on est complètement d'accord. Ah, mais non, mais c'est vrai, c'est pas ma passion. Eh bien, j'ai trouvé une étude très sérieuse de la London School of Economics qui nous dit que deux fois par semaine, faire une demi-heure de marche rapide, d'accord, de marche rapide, revient au même niveau que si on courait deux fois une heure en running sans se faire mal aux os ou alors à la ligne, tu vois, on perdait autant. Bah, non, mais en vrai, c'est même pas une bonne nouvelle. Deux fois une demi-heure, c'est top. Je m'ennuie pour rien, moi, en fait, à courir, voilà, à transpirer. Pas besoin de suer, ni de se ruiner en cours de sport, nous dit la London School of Economics. Je pense que tous les profs de sport là sont en train de me maudire tranquillement comme ils sont. Eh bien, les effets probants sur la ligne, le moral et les muscles marchent directement avec deux fois une demi-heure de marche rapide. Ok, bah, je note, hein, écoute. Pas mal, non? Ça, je prends ces infos. Bon, bah voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour Justine. Allez, on va écouter du son pop rock. Voici Imagine Dragons, c'est Naturals dans le double expresso RTL 2. Leur nouvel album sortira le 9 novembre prochain. Bon début de journée, c'est RTL 2. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it, I'm gonna make it. Imagine Dragons et Natural dans le double expresso RTL 2 à 7h11. On va parler évidemment de l'info expresso de 7h18, Justine. Et alors, pourquoi préfère-t-on écouter les discussions d'à côté qui ne nous concernent pas? Ah, on le fait tous. Ça au resto. Moi, parfois, je me fais engueuler par ma femme. Hein. Ah bah, ça m'étonne pas. Ouais. J'ai un début de réponse en tout cas pour vous. Parfait. D'ailleurs, Stretz aussi. Tu m'écoutes pas là? Si, si, je t'écoute, mais t'entends, ils s'engueulent. Mais avec toi, c'est obligatoire en même temps. Hein. Je la comprends. Envoie la peau, Justine, viens là. Oui. Viens là. Ouais, quand Salmon, même. Salmon, viens là. RTL 2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Lauren et RLP en live. Écoutez.

shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Le groupe Dire Straits, Sultans of Swing sur RTL2. L'info expresso RTL2. Alors, tout à l'heure, tu nous disais pourquoi préfère-t-on écouter les discussions d'à côté qui ne nous concernent pas plutôt que la nôtre. Je veux la réponse, Justine. Bon, ça vous est tous arrivé, vous papotez avec une personne, puis soudain, vous entendez la conversation d'à côté, puis vous tendez l'oreille. Vous n'écoutez plus la personne qui est en face de vous. Oui. C'est insupportable d'ailleurs. Ça te rend folle, toi, ça. Ah, bah ça meurt. Plus que ça, ça me rend folle. Et je le vois. Parce que la personne hoche la tête, et t'écoutes pas du tout. Mais ça, c'est... moi, tu sais, au resto, je me fais engueuler par ma femme parce que parfois, je suis captivé par ce qu'il dit à côté. Elle me dit, mais ça va? Bah, c'est ça normal. Va, c'est énorme, ça j'adore. Ça m'est déjà arrivé de dire chute. De dire attends, parce que là il y a un dénouement, il y a quelque chose. Donc en gros, parce que la discussion en parallèle est plus intéressante que la nôtre. Alors comment on explique ce phénomène? Donc en fait, c'est le site Métro qui a sollicité deux spécialistes pour mieux comprendre, un psychologue et un professeur en communication. Et ils évoquent tous les deux la peur de manquer quelque chose. Parce que parfois, quand on regarde un groupe qui ne nous inclut pas, on devient envieux de son énergie, de son dynamisme, de sa cohésion. Notre groupe, nous, stagne dans une conversation qui n'est pas plus intéressante que ça. Et puis les autres, ils rient, ils passent un bon moment. Ah non, ça, moi je préfère quand ils s'engueulent. Hein. Ça s'assimile à une jalousie de sa communication. En gros, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Ah non, bah moi c'est pas quand ils rigolent. Ça, moi, quand ils rigolent, ça m'intéresse pas du tout. Moi, c'est quand ils embrouillent. Quand ils disputent. Ah oui. Non mais toi, t'es pas normal. Moi, t'as le voisin d'à côté, tu sens que le... bon, bah mais d'accord. Ça, c'est ton esprit. Ça lâche le couvert comme ça. C'est ton esprit pervers. Moi, j'aime bien. Enfin, voilà, 7h22, t'es pervers. Ce que j'adore, c'est les premiers rendez-vous. Je vois. Ah oui. Ah là là, ça c'est magnifique, c'est génial. Et bon, un dernier exemple concret quand même. Si vous regardez une émission à la télé qui vous intéresse, vous pouvez pas vous empêcher de zapper sur les autres chaînes pour voir si vous manquez pas quelque chose de plus intéressant sur les autres. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Aussi. Moi, ah ouais. Non, moi je fais moins ça. Moi je préfère les couples qui s'embrouillent. Toujours. Chacun sa cam. Hein. Bon. Passion couple qui s'embrouille. Ah ouais. En revanche, conseil, pas besoin de zapper. Si vous êtes sur RTL2, on a le meilleur du son pop rock. Pas besoin de chercher ailleurs. La preuve, Justine. Voilà. Regarde, je mets en application ce que tu viens de dire. Maroon 5, Girls Like You dans le double expresso RTL2. Bon réveil. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. And now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And let me. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Girl Like You dans le double expresso RTL de 7h26. On va se faire un petit horoscope tranquillement, tiens. Allez, c'est parti, on y va, Greg. Médaille de bronze avec les cancers. Vous avez un coup de mou, il faut remonter la pente. Balance. Ne vous reposez pas sur vos acquis, il faut voir plus loin. Et les capricornes. Arrêtez de chercher le conflit, prenez du recul. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. La vie est belle en ce moment, alors profitez-en. Gémeaux. Vous êtes très apprécié par votre entourage. Les lions. Une belle opportunité pourrait s'offrir à vous, ouvrez l'œil. Vierge. Vous êtes soucieux de bien faire, ne lâchez rien. Les scorpions. La chance sera de la partie cette semaine. Sagittaire. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle. Les Verseaux. Restez aussi naturel que vous l'êtes, c'est comme ça qu'on vous apprécie. Poissons. Vos proches vous apporteront beaucoup de soutien aujourd'hui. Et puis médaille d'or aujourd'hui pour les taureaux. Exact, cette journée démarre sur les chapeaux de roue, tous les voyants sont au vert. 32-28 pour jouer avec nous à la banque RTL2. Ce sera à 7h45, vous allez gagner jusqu'à 10 000 euros. Et puis en ce moment, un séjour pour 4 personnes au parc Astérix en famille. Génial. Ah ouais, très beau cadeau. Il y aura ma chanson du jour également. Et puis Marina Kay pour son pop rock d'RTL2. Et là, j'ai Jérémy, notre réalisateur, qui adore cette chanson, qui est debout sur la console. Redescend. Redescend. Homeless, à suivre sur RTL2. Bonjour.

7h32, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bon réveil, bienvenue en ce mardi matin, c'est le double expresso RTL2, voici Marina Kaye. In this house where I grew up, with cozy chairs and broken cups, memories fire. C'était Homeless, 7h36. RTL2, la chanson du jour. La chanson du jour. Ah bon ? J'étais pas née ? Non, t'es née en quelle année, Justine ? 86. Ah non, t'étais pas née. Mégastar des années 80 ce matin sur RTL2, à la voix cristalline, une chanteuse, pianiste, danseuse, artiste vraiment incroyable, Kate Bush. Ah mais oui, mais je connais. Tu connais la chanson, oui. C'est Babouchka. Ah, j'adore. Qui est sortie le 27 juin 1980. Alors, l'histoire de cette chanson, elle est assez étonnante. Parce que, vous allez voir, c'est... Alors, tu parlais de pervers tout à l'heure. Il y a un peu de ça. Ça raconte, en fait, le désir d'une femme de tester la fidélité de son mari. Oui. Donc, comment est-ce qu'elle va s'y prendre? Elle va prendre le pseudo de Babouchka, qui veut dire grand-mère en russe. Et elle écrit à son mari en se faisant passer pour une autre femme. Faut bien imaginer qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Donc, il fallait prendre vraiment la plume. Et surtout, il n'y avait pas d'application de rencontre. Évidemment. Donc, elle arrange un faux rendez-vous secret avec son mari. Et lui, sur les mots écrit dans cette lettre, il tombe sous le charme de ce personnage qui lui rappelle sa femme lorsqu'elle était jeune. Ah, la bonnette. Et du coup, ça conduira à l'échec du mariage. Et oui. Donc du coup, ce matin, ma chanson du jour sur RTL2, tout le monde la connaît. Vous allez la chanter et en profiter. C'est Kate Bush, Babouchka sur RTL2. To

9h, le double expresso RTL 2. RTL2. Allez go, 7h49. C'est l'heure de la banque RTL2. Bonjour Stéphane. Bonjour Greg, bonjour Justine. Salut Stéphane, ça va? Bah ça va et vous? Ouais. Bah, super bien, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes du côté de Lille, vous êtes où exactement Stéphane? Un petit village à côté, Isère-les-Écarchins. Bon bah écoutez, c'est parfait. Alors, je tiens à dire à tous nos auditeurs RTL2 que Justine est comme une folle grâce à votre job. Vous avez un métier c'est qui vrai. Me passionne. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans la police scientifique. C'est un expert. Vous mettez de la poudre et vous soufflez pour les empreintes. J'ai le cliché qu'on voit à la télé ou dans des documentaires. Moi, je peux me faire vraiment mais une série de documentaires là-dessus. Je trouve ça passionnant. C'est passionnant. Du coup, on ne va pas vous embrouiller parce que vous êtes capable de voir qu'on vous embrouille. On ne va pas le faire, Stéphane. Par contre, on peut vous offrir de très beaux voyages. Je vois que c'est une de vos passions. Vous avez des enfants. Vous allez pouvoir également gagner des séjours au parc Astérix. Pourquoi pas du cash, hein, 4 000 € la semaine dernière. Peut-être prochainement les 10 000 €. Pourquoi pas pour vous. Attention au coffre vide. Top chrono, 1 minute pour la banque RTL2. Coffre 1. Un lecteur DVD. Je passe. Coffre 2. 200 €. Du cash. Je passe. Allez. Sûr? Ah, sûr, allez, moi j'y crois, je le sens bien. Coffre 3. Une brosse à dents. Bon, je passe. Vous avez bien fait de bien sentir le coup. Coffre 4. Une PlayStation 4. Eh, hey, pas mal. 299€ la PS4. Je passe, ils l'ont. 30 secondes, voici le coffre 5. Un séjour avec la compagnie aérienne Level. Waouh. Ah, 740€, deux billets d'avion aller-retour pour New York, Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. Super voyage. L'hébergement également, 3 nuits. Je passe avec les enfants, malheureusement, ça va être trop compliqué. Oh là là, allez, là le coffre secondes. 6. Oh non. Oh là là. Ah, nous aussi. Ah bah ouais, mais on n'aime pas ça, hein. On n'a aucun plaisir à avoir un coffre vide. Hein. Mmh. J'aime pas cette musique, ce bruit là. Bah vous cherchiez du cash, vous cherchiez les 10 000 euros. Tu vois, sur l'antenne d'RTL2, j'aime tout sauf ça. Oui, merci. C'est vraiment Greg. Le bruit que j'aime pas. Il est moche le bruit, tu vois, ça j'aime pas. C'est pas grave. Ah, ça m'angoisse. Mais vous partez pas les mains vides, Stéphane. D'accord. Vous gagnez le mug du double expresso RTL2 et puis Justine. Et également la réédition du premier album des Cranberries. Alors, avec un titre très compliqué que je ne vais pas vous prononcer avec mon accent anglais. Mais également le DVD, le doudou. C'est cadeau, c'est pour vous. On vous souhaite une bonne journée. On espère que vous jouerez avec nous prochainement, Stéphane. Pour pas faire comme problème. Stéphane, 32-28 ou Banco 74-900. Hein, c'est par SMS avec RTL2 et puis Justine. Et Stéphane, la question, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Welcome to the infinite black skies. Brain cleanse, fractured identity. Fragments and scattered debris. Sur RTL2, il est 8h05. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller à la machine à café. Alors s'il vous plaît, je demande votre attention, j'ai une question technique qui nous concerne toutes et tous. Ah. Et je compte sur vous pour y répondre. Allez vas-y, on joue, vous jouez aussi, vous qui nous écoutez. Hein. Selon vous, quelle partie du corps humain grandit le plus vite? Allez, ça dépend du moment. ça dépend si l'eau est froide. On a notre petite idée. Si l'eau est froide. Mais quelle lourdeur. Les ongles.

sur RTL de 8h06. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. On est tout près de l'événement ciné de l'année. Bonjour à tous, évidemment. Bonjour l'équipe. Bonjour. Ça va, Justine? Oui, pleine forme. Bonjour. On est très heureux d'être avec vous, évidemment. Mais l'événement, écoutez, indice musical. Le 31 octobre prochain sortira en France le film Bohemian Rhapsody. Ce sera avec RTL2 en partenaire. Et demain, événement. Max, bah, événement à Londres. Oui. Notre responsable des réseaux sociaux. Tu pars tout à l'heure, tu prends l'Eurostar, direction Londres. Ma valise est prête, direction Londres, direction Wembley, le stade mythique. Oh, et je vais aller voir donc le film Bohemian Rhapsody en avant-première, là-bas, dans le stade. Mais oui, mais parce que là, tu te fais plaisir. Eh mais oui. Tu vas nous surtout, tu vas surtout ramener sons pour nos auditrices et auditeurs RTL2 des interviews, notamment de Brian May, évidemment, du groupe Queen. Ouais, exactement, et tous les acteurs seront là également. Ça va être un truc de dingue. Parce que Rami Malek, qui est donc l'acteur principal, est incroyable dedans. Ouais. Ah mais le film est incroyable. On y voit du feu. Franchement, ça va être fantastique. Ça sera avec RTL2. Et donc, demain, on vous fera une info expresso spéciale sortie du film Bohemian Rhapsody. Oui, parce que c'est pas des vacances, Maxo. Hein, ah tu, bon nous ramènes, ah. tu nous ah bah, ramènes non, du son. Tu vas pas faire le tour des pubs. Je peux pas envoyer Jérém à la place plutôt. Non, vas-y, Genesis sur RTL2. Cause she just knows me.

à 9h sur RTL 2. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on. Tom Walker dans le double expresso RTL de Leave a Light On. L'info expresso RTL 2. Donc on parle, pour ne pas changer, de nourriture ce matin dans l'info expresso. On essaye, je vous assure que quand on prépare les sujets, on se dit, hey, on parle pas de nourriture, et puis boum. Non mais après c'est quotidien, ça nous concerne tous, hein. Bah voilà. Oui. Combini.com, on a trouvé ça, les 20 ans de Google en termes de recherche de nourriture. Alors on va remonter en 2005, les premiers pics de recherche pour les sushis. Ça arrive en 2005. Oui. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Ah, bah, oui. Les premiers pics arrivent en 2005. Bah, en même temps, moi qui ai grandi à Nantes, il n'y avait pas de restaurant de sushi. Oui, non, quand, c'est venu quand au fur et à mesure. Ouais, ouais, c'est vrai. Un an plus tard, en 2006, premier pic pour les burgers. Parce que c'est vrai que les burgers, jusqu'à présent, c'était à l'époque les McDo. Il n'y avait même pas de Burger King. Ils étaient déjà repartis. Ouais, les Quick, tout ça. Voilà. Mais là, maintenant, le burger un peu fashion, un peu à découvrir, il est là. Tendance, ouais. Voilà, 2006. On arrive en 2008, première recherche pour les smoothies. Ah, les fameux jus de fruits, vous savez, les nectars de fruits. Où on achète une machine, on s'en sert une fois et puis hop, ah ouais, ça prend la poussière. Premier jour, on est tout fou, on achète des tonnes de fruits, on coupe les bananes. Je suis cocktail, je suis Tom Cruise. Et alors, mais poum, il prend la poussière. Ouais, ouais. Bon. 2010, autre tendance, le spritz. Ah oui. Ça arrive en 2010. Ça t'aime ça, je me demande si c'est pas plus masculin sans tomber dans les clichés que féminin, non, le spritz. Pas non, pas du tout, moi je n'aime pas ça. Je vous pose la question. Non, d'accord, ouais, ok, mixte. D'accord. Bah, autant pour moi les gars, m'engueulez pas, ok. Et en 2011, apparition du mot véganisme. Ah, c'est 2011, d'accord. Voilà, les premiers. Je vous dis pas que c'est les pics, c'est les premiers pics, c'est les premières vraies recherches. C'est ce que nous dit Google en tous les cas. Et les recettes les plus recherchées sur Google, ce ne sont pas les gâteaux au chocolat, ce ne sont pas les couscous, les burgers, les ce que pâtes. Vous voulez, c'est les crêpes. Les crêpes. Ah bah oui, la base. La crêpes, base. Crêpes sur Google. Et ils font de plus en plus de crêpes un peu folles. À côté de chez moi, ils mettent des Smarties et les Kit Kat dans des crêpes. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je sais, mais. J'attendais une vanne, puis tu nous racontes ta vie. Non, si, dis donc, tiens. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. RTL2, Here With Me, 8h25, voici votre horoscope du mardi 23 octobre. On y va, Justine, avec les médailles de bronze et on commence par les cancers. Mais vous avez un coup de mou, il faut remonter la pente. Les balances. Ne vous reposez pas sur vos acquis, il faut voir plus loin. Et les capricornes. Arrêtez de chercher le conflit, prenez du recul. Passons aux médailles d'argent avec tout d'abord les béliers. La vie est belle en ce moment, profitez-en. Les gémeaux. Vous êtes très apprécié par votre entourage. Les lions. Une belle opportunité pourrait s'offrir à vous, ouvrez l'œil. Les vierges. Vous êtes soucieux de bien faire, ne lâchez rien. Scorpion. La chance sera de la partie cette semaine. Les Sagittaires. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle. Les Verseaux. Restez aussi naturel que vous l'êtes, c'est comme ça qu'on vous apprécie. Dernière médaille d'argent pour l'horoscope RTL2, les Poissons. Vos proches vous apporteront beaucoup de soutien aujourd'hui. Et la médaille d'or du jour, c'est pour les Taureaux. Cette journée démarre sur les chapeaux de roue.

c'est la vie ou c'est ma vie que j'attendais de toi à moi. Il faut tout recommencer. Chou Wasabi, Julien Doré sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Un winner a dégoté ce matin sur bfmtv.com. Écoutez, c'est un lycéen anglais qui a inventé un nouveau type de sac à dos. Je dénonce, je suis un papa et je dénonce le poids des sacs à dos. J'ai mon fils qui a mal au cou, aux épaules, tellement les sacs sont lourds. Il y a beau avoir des casiers à l'école, c'est complètement dingue. Je pense que Jérémy, qui est aussi papa, t'es d'accord avec moi ? Je suis d'accord. Voilà, le coup de gueule des parents. Non, mais c'est vrai, ça, c'est un vrai scandale. On a connu ça. Je suis très sérieux, c'est un vrai scandale. Bref, je suis pas là non plus pour être militant, bah mais oui. Un lycée du Lincolnshire, dans le nord-est de l'Angleterre, a interdit à ses élèves de porter des sacs entre et pendant les cours. C'est quand même absolument incroyable. Vous ne pouvez pas aller d'un cours à l'autre avec ça, vous venez juste emmener votre livre. Après tout, pourquoi pas ? C'est le Daily Mail qui raconte ça. Des sacs de toute taille peuvent être utilisés pour apporter des livres et du matériel à l'école, mais les sacs ne sont pas autorisés pendant les cours au fil de la journée. Les élèves sont encouragés à porter leur livre à la main. Alors, on peut dire finalement, c'est pas plus mal. Ça leur évite d'avoir mal au dos, ce genre de choses. Sauf que les trucs se perdent, les sacs traînent, donc c'est un peu ennuyeux. Cet élève, il a protesté. Il a que 17 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait pour protester de façon pacifique? Il a d'abord décidé de porter ses affaires dans un sac en osier. C'est plutôt amusant, comme s'il allait faire son marché. Et ensuite, il est venu avec un four à micro-ondes dans lequel il a déposé ses livres. Bah, c'est pas un sac, ça. Bah voilà, c'est pas un sac. Du coup, le lycée l'a mal pris. Ils l'ont suspendu 2 jours. Ah sa bon mère l'a défendu. Et il y a une pétition pour lui permettre de revenir plus tôt avec dans le lycée. Avec son four à micro-ondes. Et sa mère, elle est fière de lui, mais quand il a fallu faire réchauffer le café, elle était bien dans la merde. Hein, oui, bah. Oh, le gros mot à 8h38. Oh, les plaintes. Jonathan.donnel@rtl2.fr. C'est pas bien. Hein. My Favorite Game sur RTL2. On vous rappelle l'événement demain, c'est l'avant-première. Ce soir, pardon. Oui, c'est ce l'avant-première du film Bohemian Rhapsody à Wembley, à Londres, en Angleterre, évidemment. Max, notre responsable des réseaux sociaux, tu pars. Ma valise est prête, reporter à ça. Et demain, on vous débriefera tout ça avec des interviews des stars et du groupe Queen. D'ailleurs, ça tombe bien parce que Queen arrive.

matin de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL2. Je vous rappelle que demain, dans l'Info Expresso de 7h20, nous débrieferons le tapis rouge de l'avant-première à Wembley du film Bohemian Rhapsody qui sort en France avec RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. Bonjour Stéphanie. Bonjour Justine, bonjour Grégory. Coucou. Bonjour. Vous êtes à Juvincourt, c'est dans l'Aisne. Oui, c'est ça. Vous avez plein d'enfants. Combien vous avez d'enfants? Alors j'en ai 3. Ah bah oui. Et donc quel âge? 20 ans, 13 ans. Et 10 ans. Ah, des grands enfants. On met de l'espace, comme ça ils ont chacun leur vie. Qu'est-ce que vous aimez faire?